pour le coup. Oh, femelle. Mais il faut que le diable ou sa luste s'en mêle. Gageons que je vais voir arriver mon cousin. Une duègne. C'est moi, don César. Quel dessin? D'ordinaire, une vieille en annonce une jeune. Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, jour de jeûne, en Jésus, Dieu le Fils, sur qui rien ne prévaut. À galant dénouement, commencement dévot. Ainsi soit-il, bonjour. Dieu vous maintienne en joie. Avez-vous à quelqu'un qui jusqu'à vous m'envoie à donner pour cette nuit un rendez-vous secret? Mais j'en suis fort capable. Un si bon beau discret, c'est bien vous qui venez. Et pour cette nuit même, d'adresser ce message à quelqu'un qui vous aime et que vous savez bien. Ce doit être moi. Bon, la dame mariée a quelques vieux barbons à déménagement sans doute est obligée. Et de me renseigner, séant, on m'a chargé. Je ne la connais pas, mais vous la connaissez. La soubrette m'a dit les choses, c'est assez, sans les noms. Or, le mien. C'est tout simple. Une dame reçoit un rendez-vous de l'ami de son âme. Mais on craint de tomber dans quelques pièges, mais trop de précautions ne gâte rien, jamais. Bref, ici l'on m'envoie avoir de votre bouche la confirmation. Oh, la vieille farouche, vrai Dieu, quelle broussaille autour d'un billet de oui, c'est moi, moi, te dis. En ce cas, si c'est vous, vous écrirez « Venez » au dos de cette lettre, mais pas de votre main pour ne rien compromettre. Peste, au fait de ma main, message bien rempli. N'ouvrez pas. Vous devez reconnaître le pays. Pardieu, moi qui brûlais de voir. Jouons mon rôle. Tu sais écrire? Un signe? Et tu muets, mon drôle. Fort bien, continuez, des muets à présent. Écris-moi là. Venez. Il est obéissant. Vous la verrez ce soir. Est-elle bien jolie? Charmante. La suivante est d'abord accomplie. Elle m'a prise à part au milieu du sermon. Mais belle! Un profil d'ange avec l'œil d'un démon. Puis aux choses d'amour, elle paraît savante. Je me contenterai fort bien de la suivante. Nous jugeons, car toujours le beau fait peur au lait. La sultane à l'esclave et le maître au valet. La vôtre est à coup sûr. Fort belle. Je m'en flatte. Je vous baise la main. Je te graisse la patte. Tiens, viens. La jeunesse est gaie aujourd'hui. Va. Si vous aviez besoin, j'ai nom d'âme, Oliva, couvent San Isidro. Toujours à droite assise au troisième pilier en entrant dans l'église. Vous la verrez ce soir, monsieur, pensez à moi. Dans vos prières. Ah oh. Je me résous, ma foi, à ne plus m'étonner. J'habite dans la lune. Me voici maintenant une bonne fortune et je vais contenter mon cœur après ma faim. Tout cela me paraît bien beau, gare la faim.